Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de Pièces Auto Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée et qui saura bien vous conseiller. Pièces d'Auto Napa, 890 3e rue, Chibougamau. Numéro de téléphone 418-748-6426. L'équipe de Pièces Auto Napa de Chibougamau souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Michel, tournoi d'ouverture du club de golf de Chibougamau en fin de semaine passée. Oui, excellente journée. 125 joueurs, une centaine de personnes pour la soirée. Donc, on est bien satisfaits. Les gens se sont bien amusés. Puis, plusieurs nouveaux au travers de ça qui semble avoir apprécié assez pour qu'on les revoie bientôt. OK. Y a-tu des gagnants puis des perdants? Non, il n'y a pas de gagnants. C'est juste un 4 balles meilleure balle. OK. Une formule neutre avec de l'animation puis des concours sur le terrain, mais il n'y a pas de gagnants comme tel. OK. Donc, si on y allait maintenant avec ce qui se passe cette semaine? Ben, cette semaine, c'est la première des quatre qualifications pour la Coupe des champions. Ah oui, c'est vrai. Qui va avoir lieu demain. Okay. Donc, on attend une trentaine de participants dans quatre classes. Hey, Pierre-Alexandre, je sais qu'il est à Chibougamau, j'y ai parlé cette semaine. Donc, est-ce qu'il va participer? Pour lui, c'est pour le fun, j'imagine, mais vas-tu y aller? C'est ça que je partais pour te dire. Okay. La première qualification va être haussée par la présence de Pierre-Alexandre. Okay. C'est sûr qu'il ne peut pas participer pas comme tel, mais ça va permettre de se comparer puis de voir là, la qualité de son golf par rapport au meilleur qu'on a chez nous. OK. En parlant de meilleur puis de jeune, est-ce qu'il y a un jeune qui pourrait être dans quelques années un Pierre-Alexandre Bédard à Chibougamau? Il y en a un jeune qui pousse très, très bien. De là, savoir s'il va devenir aussi bon que Pierre-Alexandre, la marche est très, très haute. Ouais. Mais c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel. Puis on va le voir au cours des prochaines années. Parce qu'à partir de l'âge de 15-16 ans, ben des fois, ils prennent d'autres tangentes que le golf. Ben oui, les petites blondes arrivent. Qui va très, très bien. Les petites blondes arrivent, tout ce que tu voudras, là. Ben, les blondes ou ben non, les amis font pas de golf, ils font d'autres choses, puis... Fait que... Il s'appelle... Date, là, il va très, très bien, puis... écoute, l'année passée, il va dans le 2B. Okay. Cette année, il va compétitionner, il va être demain à la Coupe des champions en classe A avec nos meilleurs joueurs du club. Il s'appelle qui, hein? Il a 16 ans, le jeune. Son nom, c'est? Julien Fillion, OK. Hey, va-tu participer à des compétitions juniors, provinciales? Bon, c'est parce que ce jeune-là, il est absent de 4 à 5 semaines tous les étés. OK. Il s'en va dans des camps d'anglais aux États-Unis. Fait que là, s'il est ici en début de saison pour les tournois régionaux juniors, il va certainement participer, mais c'est pas évident encore. Son horaire était pas précise, là. OK. Autre chose à ajouter, peut-être, cette semaine? Non, le parcours s'en vient de mieux en mieux. Ouais. Le membership va bien. On est rendu à 175 membres. OK. On anticipait 190. Il y en a encore qui continuent à s'inscrire. Les juniors, ça commence, puis les étudiants reviennent. Donc, à ce niveau-là, on devrait atteindre nos objectifs. Hey, je suis allé faire le deck. Je suis allé voir les installations du deck hockey à Saint-Prime et je te posais la question. Puis eux autres, ils forcent beaucoup sur les clubs sociaux, les organismes et ainsi de suite pour amener pour louer leurs installations du deck hockey à Saint-Prime. Est-ce que le club de golf de Chibougamau, vous forcez là-dessus aussi? Ouais, disons qu'on essaie de faire des activités qui regroupent ces gens-là. On les envoie des invitations spéciales, comme en fin de semaine, au tournoi d'ouverture qu'on avait. Là, il y en a plusieurs de ces groupes-là qui étaient là. On a beaucoup d'activités les vendredis soirs qui sont à caractère, ce qu'on peut dire, mixte entre membres et non-membres. Et on invite beaucoup ces gens-là à venir s'inscrire et à venir participer. OK. Ben Michel, gros merci. On s'en reparle jeudi prochain. Plaisir. Collaborateur golf, Michel Lallemand.